Bonsoir. Oui, ça fait l'évolution. Charles a muté. En bien ou en mal, on saura tout à l'heure. Bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp en ce vendredi 13 juillet. Merci. Ce soir, Daniel va parler des maîtres du monde. Alors, qu'est-ce que les... Moi, tu le lâches, il vient. Qu'est-ce que les maîtres... Ça se défait, ça? Non, tu le laisses là. Ah, ouais, ça... Puis tu t'accotes. Puis tu le laisses. Qu'est-ce que les maîtres du monde? Voilà. Quelqu'un qui se contrôle. Les maîtres du monde sont des personnages qui manipulent les événements de la planète. Actuellement, ils ont énormément d'ouvrages. Si on voit ce qui se passe... si on voit ce qui se passe en Union soviétique, le mur de Berlin, etc., les barricades à Oka, entre autres. Les maîtres du monde ont provoqué la révolution en France, la séparation des États-Unis, etc. Au Tibet, il y a le Dalai Lama, et au-dessus de lui, il y a le roi du monde. Qui est le roi du monde pour les Tibétains? Pour les Tibétains, c'est une drôle de question, parce que ça dépend des Tibétains. D'un autre point de vue, le roi du monde pour les Tibétains, qu'est-ce qu'il est? C'est le Bouddha. Encore. C'est... Pour beaucoup de Tibétains, ils ont appelé... Le mot Maitreya vient de... Ça vient pas d'Angleterre. Ça fait partie de légendes aryennes. Et les Tibétains ont été un des peuples qui ont le plus longtemps maintenu sans changement des traditions aryennes, des traditions qui proviennent du bouddhisme aussi. Et lorsque les autres parlent du maître du monde, premièrement, eux se considèrent la capitale du monde parce qu'ils vivent sur le toit du monde, c'est-à-dire qu'ils vivent dans les plus hautes montagnes. Et lorsqu'ils parlent du roi du monde, ils parlent normalement du bodhisattva. Ils parlent de ce qui, à un moment donné, devrait engendrer Maitreya. Ils parlent d'un personnage, donc, extrêmement mystique, qui a été ramené, à un moment donné, sur la sellette par un Anglais. Et, évidemment, par l'ésotérisme occidental mêlé à l'ésotérisme américain. Parce que les Tibétains disent que lorsque le continent de Mu et l'Atlantide se sont enfoncés, une partie de la population qui vivait là s'est enfoncée dans la terre, s'est réfugiée dans la terre. C'est ce qu'un personnage prénommé James a prétendu avoir trouvé dans une lamasserie au Tibet. Un colonel, oui. Churchwall. Et effectivement, il y a, lorsque Mu et l'Atlantide... Mu, qu'est-ce que c'est Mu? C'est les vestiges du continent lémurien, c'est-à-dire que lorsque la Lémurie s'est effondrée sous son propre poids lors du refroidissement de la planète, il est resté des traces qu'on appelle Mu. Une des parties de Mu, c'est l'île de Pâques aujourd'hui, et c'est l'île de Juan Fernandez, que tu connais probablement, toi, chercheur de trésor. Et lorsqu'ils se sont combattus avec les Atlantes, à un moment donné, ils ont laissé des traces, des trésors un peu partout. Lorsque les Tibétains ont parlé de... Parce que premièrement, les Tibétains, le peuple tibétain lui-même, c'est un peuple qui descend de la... sixième sous-race de la race atlantéenne. C'est un peuple qui descend de la race mongole, qui est une des sous-races du peuple atlantéen. Et eux ont conservé certains mystères, enfin, ils ont mystérisé certaines traditions de l'époque atlantéenne. Et ils ont toujours un peu, spirituellement et non pas intellectuellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vision militaire, mais ils ont toujours l'espoir qu'à un moment donné, c'est leur philosophie, enfin, leur essence qui va dominer le monde. Le vendredi passé, tu as parlé des initiés, des grands initiés. Bon, dans l'Agartha et Shambhala, il y a des initiés. Ces initiés font-ils partie des maîtres du monde? Bon, qu'est-ce que c'est que le maître du monde lui-même? Qu'est-ce que sont les maîtres du monde? Ce sont des personnages qui ont une caractéristique assez évidente, c'est qu'ils dirigent le monde. Diriger le monde, ça veut dire qu'ils vont soit diriger la finance mondiale, ce que certains Allemands échappés de la dernière guerre mondiale font au Japon, entre autres, et aidés de certains Juifs, parce que l'Allemagne et le peuple juif ont toujours été extrêmement alliés et extrêmement unis, mais ésotériquement, c'est-à-dire qu'au niveau des plans esséniens ou du contexte du priori de Sion, ils ont toujours été relativement alliés. Et d'ailleurs, ils ont ensemble amené une partie de l'extermination du peuple juif lui-même. On parle des prêtres juifs. Et il y a ces maîtres du monde qui dirigent la finance, qui dirigent la bourse. Par exemple, lorsqu'une personne veut connaître, veut s'engager à la bourse, veut acheter des actions de compagnie ou ces choses-là, elle est manipulée astralement, elle est manipulée par son émotivité. Et tout le contexte boursier est un contexte uniquement basé sur l'émotivité. On parle donc de spéculation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas question de logique là-dedans. Il y a des êtres humains qui engendrent une logique astrale, une logique émotive, psychologique. Alors, ils peuvent dire, par exemple, quand ça monte, c'est logique que les gens aient peur, que les gens aient soif. Quand ça arrive à un plafond psychologique, un plafond astral, c'est logique que les gens, à un moment donné, craquent, car ce n'est pas la bourse au complet, évidemment. Et quand ça descend, c'est la même chose, il y a ceci, il y a cela. Toute la finance boursière est basée sur des manipulations astrales, et il y a effectivement des maîtres, c'est-à-dire des personnages qui ne sont pas nécessairement... Ce sont des initiés, mais aujourd'hui, ils n'ont pas la conscience de ce que seront les prochains initiés. Mais effectivement, ce sont des initiés, si on les compare à l'ère du poisson qui finit, c'est-à-dire, disons, aux années 1920, 30, 40, 50, 60, mais même 70. Alors, il y a ceux-là qui dirigent la finance planétaire. Il y a des maîtres du monde qui vont diriger, eux, les contextes des pathologies. C'est-à-dire qu'ils vont s'arranger pour que certaines races s'éteignent, pour que d'autres races puissent grandir. Et il y a toujours eu ces maîtres du monde attachés au plan essénien qui a engendré le Troisième Reich, donc la Deuxième Guerre mondiale, et qui travaille ardemment à engendrer la Troisième Guerre mondiale, une chose à la fois. Et cette Troisième Guerre mondiale, qui sera une guerre sainte comme l'a été la Deuxième Guerre mondiale, a été et sera du moins probablement engendrée par des manipulations des maîtres du monde. Ces maîtres du monde-là vivent, ceux qui engendrent les guerres sont des maîtres du monde qui ne sont pas à la tête de la hiérarchie, mais ce sont des maîtres qui ont la capacité de diriger les gouvernements, donc qui dirigent normalement les vrais gouvernements, c'est-à-dire ceux qui sont en place et qui ne sont jamais élus. Ceux qu'on appelle les gouvernements invisibles. Oui. Et encore là, le gouvernement invisible, il est normalement divisé en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement extrêmement occulte, qui peut être franc-maçonnique, qui peut être sioniste, qui peut être d'autres obédiences, et il y a les gouvernements qui sont intimement reliés aux polices secrètes, c'est-à-dire qu'on a par exemple ici la Gendarmerie royale du Canada, qui est un gouvernement non élu, il y a la CIA et le FBI, mais surtout la CIA, tous les services de contre-espionnage, le KGB en Union soviétique, sont des gouvernements qui sont extrêmement ésotériques, c'est-à-dire que comme on parle souvent de l'intelligence supramentale, juste appeler un service de contre-espionnage CIA, Centrale de l'intelligence, l'Agence centrale de l'intelligence. Et on sait que le KGB et la CIA, ainsi que le deuxième bureau, ainsi qu'un paquet d'autres services de contre-espionnage, ont travaillé pendant longtemps et travaillent encore sur des mécaniques de parapsychologie. Alors, ce sont les premiers qui ont inventé des appareils capables d'enregistrer une conversation qui a eu lieu dans une pièce jusqu'à une semaine avant. Parce que les murs enregistrent, sont capables d'aller lire ce qu'il y a là-dessus. Ils ont travaillé longtemps les voyages astraux, ils ont travaillé les meurtres par voyage astral, ils ont travaillé plusieurs choses de ce genre. Ces sociétés, parce que ce sont des sociétés extrêmement secrètes. Quand une personne se retire de certains niveaux de ces gouvernements invisibles, de ces services de contre-espionnage, normalement, on les décède. Quoique dans certains pays, on change un peu mal leur personnalité, etc., comme les Allemands ont fait pendant longtemps, mais sont considérés quand même comme disparus, portés disparus, alors qu'ils sont vivants sous d'autres noms. Ça fait partie des gouvernements mondiaux, des gouvernements invisibles, mais ces sociétés-là sont assujetties aux maîtres du monde qui, eux, vont s'arranger pour décider quel genre de pollution on va placer sur le plan planétaire, qui, eux, vont décider quel genre de mouvement des troupes va se faire, quel genre de stabilité allons-nous entretenir dans certaines régions de la planète. Par exemple, on sait que partout où il y a de l'argent, l'humain n'a pas le temps, et on sait que partout où l'humain a le temps, l'humain n'a pas d'argent. Alors, on sait que la vraie richesse, l'abondance réelle, l'abondance intelligente, qui est celle d'avoir le temps et l'argent, est divisée sur la planète. Elle est divisée et elle est maintenue divisée par certains maîtres du monde qui ne voient pas d'un bon œil qu'à un moment donné, des êtres qui n'ont pas de conscience parviennent un jour à avoir le temps et l'argent. Mais surtout, il y a d'autres maîtres du monde qui, eux, ne voient pas d'un bon œil que ceux qui auraient la conscience aient le temps et l'argent. C'est lesquels, les deux, là? Il y en a un qui est chambaléen, l'autre qui est agartien. On va surtout revenir sur Chambala et l'Agartha au niveau de la semaine prochaine. Mais Qui sont les noms? Il y a plusieurs noms, évidemment. On parle de maîtres du monde. On a le mouvement Ekankar, par exemple, qui va parler de plusieurs maîtres. Et eux vont dire que ces maîtres sont des maîtres Ek, donc des maîtres Ekankar. Est-ce qu'ils sont dans le monde morantiel? À quel niveau sont-ils, ces maîtres-là? Les maîtres du mouvement Ek sont des maîtres qui sont dans le plan astral et certains phénomènes sont effectivement dans le plan morantiel, donc dans le plan vital. Eux vont donc dire que Jésus-Christ est un maître Ek, alors que les Rose-Croix vont dire que Jésus-Christ est un Rosicrucien. Bon. Il y a toujours eu des petites chicanes comme ça entre les fidèles. Et quand on parle de maître du monde, on peut s'attarder sur le véritable maître du monde actuellement, celui qui dirige les maîtres Ek, les maîtres rosicruciens, les maîtres francs-maçonniques, les maîtres qui sont reliés aux églises du diable, les maîtres mahométains qui dirigent aussi les maîtres tibétains, les derniers vestiges de ce que l'Égypte a pu avancer ou ce que Babylone a pu avancer. Et qui va diriger totalement les maîtres anglo-saxons, qui va diriger les maîtres hindous. Et ce personnage, c'est un personnage qui est relativement connu au niveau de l'essence biblique, c'est le bonhomme qui s'appelle Lazare. Et comme on dit souvent, c'est par Lazare que les choses arrivent. Et c'est vrai, l'humain a oublié le L à un moment donné, alors il dit c'est par hasard, mais c'est par Lazare, c'est plus précis. Il y a effectivement des... Mais avant d'en arriver à Lazare, je voudrais savoir, est-ce qu'il peut y avoir entre les deux groupes, Shambhala... Et l'autre, s'il y a des frictions, s'il peut y avoir des guerres? Il y a toujours eu des frictions, mais plus ça va, plus ils tendent à s'entendre. Alors, on pourrait penser que tant mieux. Parce qu'on a souvent l'idée, les maîtres du monde, c'est nécessairement des êtres extrêmement évolués. C'est vrai. Mais un être extrêmement évolué est-il nécessairement conséquentiel, écologique, ou a-t-il la capacité d'exprimer de l'amour intelligent? Ah, pas nécessairement. Et ça, c'est une chose que souvent l'humain comprend mal. Alors, on rentre dans un organisme ésotérique qui a peut-être des contacts avec certaines entités des maîtres du monde, et nécessairement, on s'imagine qu'ils vont nous amener là où on veut aller. Vu qu'on ne sait pas où on veut aller, comment on peut faire confiance qu'ils vont nous amener là où on veut aller? C'est déjà un gros problème. Mais surtout, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont arriver à des maîtrises particulières d'énergie qu'on connaît ou qu'on connaît mal ou qu'encore qu'on ne connaît pas, et ils ne sont pas nécessairement capables d'amour intelligent. Ils vont être capables de conséquentialité, c'est-à-dire d'appliquer une forme d'intelligence qui n'est pas souvent comprise par le règne humain. Je prends un exemple. On parlait de Oka. Bon, il y a des Mohawks. Si on aurait, bon, disons, il y a une intervention de la Sûreté du Québec, et à l'intérieur de cela, il y aurait un maître du monde qui dirige la Sûreté du Québec. Alors, les Mohawks se placent derrière leur barricade, et à un moment donné, il y a des femmes, il y a des enfants, d'autres personnes qui viennent là, qui ne font pas partie des guerriers, et ils sont là. Alors, la police se dit, oui, mais là, si on prend ça d'assaut, on risque de blesser ou de tuer des personnes qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Effectivement. Donc, le règne humain va attendre avant de prendre ça d'assaut. Et c'est le problème, parce que les meilleurs sont toujours les perdants, parce que, admettons que du côté des guerriers, eux se foutent royalement de tuer n'importe qui, nécessairement, on commence à ouvrir le feu du mauvais bord et on ne peut pas rien faire. Donc, en admettant qu'il y aurait un maître du monde parmi la Sûreté du Québec, le maître du monde va laisser un message comme quoi dans 30 minutes, on prend d'assaut, même à l'artillerie lourde, les barricades qui sont là. Pourquoi? Parce que disons qu'il y a une intelligence à ce que ce genre de situation ne se passe pas. Disons, je ne dis pas que c'est ça, mais disons que le maître du monde verrait cela. Pour expliquer son intervention. Alors, les guerriers vont prendre un enfant, par exemple, ils vont le placer sur une barricade. Le maître du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un M16 puis il tire l'enfant. Après ça, il met ça à M16 là. Puis là, il dit, il vous reste 29 minutes. Qu'est-ce qu'ils font, les guerriers? Ils vont défaire les barricades, ils vont s'en aller. Mais nous, on va dire, c'est extrêmement sadique. Le maître du monde, lui, ce qu'il va se dire, non, parce qu'il aurait mis d'autres enfants, puis veut pas, on aurait fini par attaquer, puis on aurait massacré plus qu'un. Alors, mieux valait éliminer ça immédiatement là. Ça, c'est de l'intelligence pure, sans amour. Comprenons bien. Alors, souvent, on va dire les maîtres du monde vont engendrer la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Si mécaniquement, il y a logique. L'humain doit mêler ses génétiques, l'humain ne le fait pas. Le peuple juif est trop puissant énergétiquement, il attire l'intelligence supramentale. L'énergie christique, c'est le terme alchimique, c'est ce qu'il a déjà fait à l'époque du Nazaréen. Alors, à un moment donné, on va dire aux gens, bien, vous devriez vous mêler, cessez d'être raciste. Ça ne fonctionne pas. On s'arrange pour éliminer le peuple qui draine trop d'énergie. Donc, on en massacre un grand nombre, les Juifs entre autres. On va vouloir massacrer les Gitans, ceux qui sont les Romanichels, enfin un peuple aussi qui sont extrêmement ésotériques et qui ont la capacité d'attirer de l'énergie. Et on va forcer une immigration massive vers les États-Unis d'Amérique, entre autres, où là, finalement, on aura une terre où ce que les races pourront se mélanger pour engendrer la sixième race mère, la race bleue. C'est ça qui se passe encore actuellement. Tous les événements qu'il y a dans les pays d'Asie ou même en Europe poussent les gens à venir au Canada. Puis le Québec, évidemment, le Québec ésotérique, qui est ésotériquement une terre promise. Bon. Maintenant, donc, on doit comprendre qu'un maître du monde n'est pas nécessairement un individu qui est plaisant à vivre. Alors, on a à un moment donné un maître qui se promène et puis il rencontre une jeune fille qui est extrêmement belle, bien correcte. Mais la jeune fille, c'est une vraie têteuse. Elle manipule ses parents d'une façon écœurante. Elle manipule tout le monde. Lui peut passer à côté d'elle puis lui donner un bon coup de poing en plein visage puis il casse le nez puis il abîme un œil comme il faut. Après ça, il continue. Là, quelqu'un va dire « Qu'est-ce que t'as fait là? » Ah, ben, elle serait devenue une sirène plus tard, elle. Fait que là, maintenant, elle est réglée. Personne ne pourra plus manipuler les gens. Puis c'est réglé. Bon. Mais effectivement, comme je dis souvent, si vous rencontrez Adolf Hitler à l'âge de 7 ou 8 ans, et vous savez que c'est Adolf Hitler, vous connaissez l'histoire, allez-vous le tuer. C'est un enfant, vous ne pourrez probablement pas le tuer. C'est une qualité-faiblesse de l'homme. Qualité-faiblesse, ça veut dire qu'il nous manque suffisamment d'énergie pour être capable de trouver la façon dont on devrait procéder. Ceux qui, dans l'Antiquité, sont devenus des maîtres du monde sont des individus qui sont montés jusqu'au plan de l'intelligence supramentale, donc qui ont dépassé les plans de la spiritualité, qui ont dépassé les plans de l'intellect et du mental, et qui sont arrivés au plan de l'intelligence. Intelligence, c'est premièrement spontané. Cela veut dire qu'un maître du monde tuerait cet enfant-là, et 30 secondes après, il ne se rappelle même pas l'avoir tué. Donc, aucune culpabilité, aucun karma, aucun problème. Lui, il continue. Et c'est conséquentiel, écologique. C'est sûr que, prenons l'exemple, on a une forêt canadienne, puis on a un Tyrannosaurus rex. Tu connais, tu sais ce que c'est? C'est le roi des terribles lézards, c'est un grand dinosaure. C'est un carnassier. Alors, il se promène dans la forêt, puis il mange tout ce qui est là. À un moment donné, on va aller l'éliminer. Bien, c'est un peu ce que maître du monde ferait, sauf que quand ça s'adresse à l'humain, souvent, le peuple humain comprend mal. Alors, il y a des maîtres du monde qui ne sont pas capables, la majorité ne sont pas capables d'exprimer de l'amour intelligent. Le Nazaréen, Siddhartha Gautama, faisait un peu exception à la règle et quelques initiés, mais pas des maîtres du monde. Bon. Lorsqu'on parle de problèmes entre, par exemple... Est-ce qu'il y a des initiés qui font pas partie des maîtres du monde? La majorité. Pourquoi il y en a qui en font partie, puis d'autres qui n'en font pas partie? Parce que les initiés d'aujourd'hui sont d'une vibration, d'une énergie différente qui fait en sorte qu'ils sont capables de voir les lacunes et les pièges des maîtres du monde. Les maîtres du monde sont des individus comme vous et moi qui, à un moment donné, ont eu accès à de l'information hautement spirituelle. Ils ont eu accès à de l'information mentale, donc ils ont développé leur intellect bien avant que l'humanité développe le leur, ce qui fait qu'ils ont eu une vision mécanique des sociétés de l'époque extrêmement pénible à voir. Ils voyaient les animaux humains faire des choses qu'eux auraient apprécié vivre en 1800 ou 1900 ou l'an 2000. Bon, ils n'avaient pas la vision de la technologie, mais leur intellect était développé suffisamment. Ils sont parvenus à traverser l'intellect pour gagner le mental, traverser le mental pour voir de l'intelligence. Et ils ont été capables, donc, à partir de ce moment donné-là, de manipuler les masses, manipuler les peuples beaucoup plus faibles psychologiquement. Et sur l'énergie des peuples qui les ont adorés et priés, ils ont bâti un corps d'énergie, ils se sont énergifiés, et ils sont parvenus à créer un double éthérique, c'est-à-dire ils sont parvenus à créer une immortalisation de leur conscience. Ils sont devenus des maîtres du monde, toujours capables de manipuler les individus sur la planète. Et par contre, la problématique, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour pouvoir se dégager de la centricité planétaire. Ils ne peuvent pas se dégager de la Terre. Quelle corporalité ils ont? Et la majorité ont des corps éthériques, donc des corps de lumière, un peu comme lorsque l'on parle du Nazaréen qui est réapparu devant les apôtres avec un corps de lumière. La majorité ont des corps de lumière. La problématique, c'est qu'ils ont encore besoin de l'énergie de l'humain, ce qui fait que les maîtres du monde vont tout faire pour que l'humain se mette à évoluer, pour que l'humain monte en énergie jusqu'à un niveau où l'humain pourra les nourrir convenablement. Mais comme l'humanité avance collectivement, elle avance lentement. Parce que de temps en temps, il y a des individus qui se détachent de la collectivité, et l'initiation ou l'évolution se fait uniquement quand on est détaché d'une collectivité. On peut le faire, on peut être 25 000 à le faire, mais on ne le fait pas parce que 24 999 le font. On le fait parce que nous, on le fait. Là, on est un individu, même si on est plusieurs. Alors, quand un individu se met à évoluer, il arrive à un certain niveau d'énergie où il peut alimenter un maître du monde. La problématique, c'est que cet individu doit cesser d'évoluer pour attendre le reste de l'humanité parce qu'il n'est pas assez nourrissant. Alors, les maîtres qui l'ont fait monter vont maintenant s'arranger pour le plafonner, pour l'empêcher d'aller plus loin. Et normalement, donc, le maître qui te fait monter devient, alors qu'il était yavik, finit par devenir satanique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il te bloque. De quelle façon il peut bloquer, là? Il va te bloquer normalement en te missionnant, en te donnant une mission, en te donnant un poste astral, un poste planétaire. On va te dire que tu es beau, que tu es belle, que maintenant tu es l'élu, que tu es ceci, que tu es cela. Et on va s'arranger pour que maintenant tu peut-être aies sauvé l'humanité, ou une partie de l'humanité, ou ceci ou cela. Ou que tu te montes contre ceci ou contre cela. Alors tu perds énormément d'énergie, ce qui fait que pendant ce laps de temps, tu restes stagnant. Dans l'attente que d'autres individus puissent monter aussi. Et la problématique, c'est qu'il y a des individus qui, rendus à un certain niveau, parce qu'ils ont toujours été individuels, et surtout au Québec, il y en a quelques-uns dans le monde, surtout au Québec est un peuple individuel par excellence, et parce que l'individu qui arrive là, et s'il était suffisamment individualiste, il n'arrive même pas à embarquer dans la mission qu'on veut lui suggérer. Alors, vu qu'il n'embarque pas dans la mission, à un moment donné, il reste libre des phénomènes de missionnage et il parvient à une conscience encore plus lucide, une conscience extra-lucide, qui l'amène à une conscience supramentale qui fait en sorte que l'individu, au lieu d'attendre, va continuer sa percée. Et le pire, c'est que continuant sa percée, il laisse des traces dans la mémoire planétaire, dans le monde astral, là où les gens vont rêver, où les gens spirituellement vont fouiller. Et ces traces-là viennent lentement instruire les gens qu'on peut s'en sortir. Alors que les maîtres du monde essaient de dire « Vous pouvez vous en sortir uniquement en passant par mon chemin, par moi. » Alors, ces maîtres du monde, donc, ont une utilité, c'est évident. Ils sont surtout contrôlés par le maître du monde qui est Lazare. Et les frictions qu'il y a eu, c'est qu'il y a des maîtres qui étaient légèrement plus refroidis, et donc les premiers maîtres du monde, et ceux-là s'attendaient à ce que l'humain plafonne à un certain niveau, alors que dans un autre des sociétés ésotérique, on parle de Shambhala et de Lagartha. Lagartha, entre autres, les maîtres sont légèrement plus réchauffés, ce qui fait qu'ils vont avoir tendance à monter les gens jusqu'à eux. Alors, il y a toujours eu des conflits entre les deux. Mais c'était prévisible, c'était écologique si on considère l'intelligence. Mais encore une fois, il faut faire attention, c'est que les prochains personnages qui vont parvenir des initiations seront capables d'amour intelligent, ce qui est extrêmement différent de l'amour psychologique que l'humain vit régulièrement. Et qui aussi est extrêmement différent de l'intelligence appliquée historiquement par les maîtres du monde. Alors, régulièrement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est comme si vous avez une personne qui est toujours en train de créer des problèmes. Alors, on élimine la personne, on n'a plus de problème. Ça, c'est logique, c'est intelligent. Est-ce que c'est relié à l'amour intelligent ou à l'intelligence qui a du cœur? Non. Les maîtres du monde, eux, fonctionnent comme cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils permettront à des êtres humains d'être handicapés à la naissance. Ils permettront à des gens de prendre de la drogue énormément parce que ça nourrit le monde de la mort par sécrétion hormonale, c'est-à-dire par émission d'émotions. Ils permettront la grande quantité de violence sur la planète. C'est sûr que l'humain est toujours... beaucoup d'humains, du moins, ont tendance à être violents, à être sexuellement agresseurs. Sauf qu'ils sont aussi extrêmement manipulés, on les stimule sans arrêt. On fait des films, on fait des livres, on fait plusieurs choses là-dessus. Et il y a un contrôle qui se fait là-dedans. Et ce qu'on doit comprendre, surtout au niveau du plan planétaire, c'est que, juste pour comprendre l'idée d'un maître du monde, cela veut nécessairement déjà impliquer que dans notre conscience, on doit admettre qu'on est sur la Terre autrement que juste pour passer le temps. Bon, parce que sinon, il y a plusieurs choses que je peux dire qui n'ont aucun sens si on reste confiné dans une conscience nombritique où, oui, mais le maître du monde qui dirige, il dirige pour faire quoi? Il dirige pour aller où? Il dirige pour, bon. Et si on prend la tradition ésotérique traditionnelle, réellement dinosaure, on va dire que nécessairement les maîtres du monde sont là pour nous aider. Et si on fouille différemment, on va se rendre compte que les maîtres du monde sont là pour s'aider. Pour s'aider? Oui, eux. OK, céder entre eux. Ils se servent de l'humain. Ils sont capables de récompenser. Ils sont capables de punir. Donc, ils doivent se faire obéir. Ils se servent. Absolument. Pour contrôler le contexte planétaire, premièrement, il faut comprendre certaines choses. C'est que l'humain a un rôle. Il n'a pas une mission. L'humain a une fonction. Il a un rôle à jouer sur le plan planétaire qui, on va revoir un peu au niveau de Shambhala et de Lagartha, qui ont été installés pour permettre à ce rôle-là de s'accomplir. Mais il doit y avoir des mutations. C'est-à-dire que l'humain est entouré d'un paquet de mondes parallèles qu'il ne connaît pas nécessairement. Quand il dort le soir, il rêve. Et quand il rêve, il rentre dans un monde. Ce monde, parce que notre corps physique, notre corps sensoriel se nourrit de contacts, se nourrit des sens matériels, on a souvent l'impression que tout ce qui ne provient pas du corps physique au niveau du contact matériel n'est pas réel. Alors quand on dort et qu'on rêve, ce n'est pas réel. Mais à un moment donné, si vous rêvez et que pendant votre rêve, vous commencez à avoir des sécrétions endocriniennes, vous commencez à transpirer, votre cœur accélère, probablement que quand vous allez vous réveiller, si vous vous rappelez de votre rêve, il sera très tangible, comme si vous aviez vécu la chose. Mais c'est toujours la même chose. Vous pouvez voir des choses à la télévision, vous les voyez sur le petit écran, et ça ne vous dérange pas. Pourtant, c'est de la réalité, mais ça ne dérange pas, parce qu'on n'a pas eu de réaction biologique. Et l'être humain, donc, est entouré de plans parallèles. Il a souvent une conscience ou contact avec ces mondes parallèles dans lequel les maîtres du monde vont jouer pour manipuler l'humain. Mais l'humain n'y fait pas attention parce que l'humain ne croit pas que c'est aussi tangible et aussi réel. Et l'idée, simplement, et c'est ce qui souvent fausse l'évolution de l'humain, c'est que quand on a une intuition particulière qui fait qu'on a plein de frissons sur le corps, qu'on a une accélération cardiaque, qu'on a une sudation, on se dit, tabarnouche, je viens d'avoir une intuition, un feeling. Les gens vont dire, là, qui fait, là, que je ne veux pas prendre l'avion, je ne veux pas y aller. Pourquoi? Une autre personne aurait une intuition, la même chose, qui lui dit, prends pas l'avion. Puis c'est drôle, tu sais, d'avoir comme une idée comme ça, je prends pas l'avion. T'sais. Bon, et on s'en va. Quelle est la nuance? C'est que dans un des cas, l'un réagit biologiquement, alors il va croire à son intuition. L'autre n'a pas réagi biologiquement, elle se fout de son intuition. Et la problématique, c'est que la majorité de tout ce qui dépasse de la conscience matérielle ne fait pas partie des stimulations biologiques. D'autrement dit, ça ne vient pas jouer dans nos tripes, dans nos intestins. Il n'y a pas de sécrétion endocrinienne. Lorsque les maîtres du monde fonctionnent, ils vont normalement fonctionner dans la conscience où il y aura des réactions endocriniennes chez l'humain, mais une conscience qui va procéder de parties où il n'y a pas de réaction. Alors, la personne va intellectualiser des choses et lentement, l'intellectualisation qui ne donne pas de phénomène biologique va progressivement être colorée pour engendrer une réaction biologique. Et il y a un paquet de mécanismes comme ça. Si on prend Lazare, j'ai déjà expliqué, je vais ramener l'exemple parce qu'il est facile à comprendre. C'est un personnage qui, à un moment donné, a hérité d'une ville, disons d'un village. Et le village, il y a une rue simplement et il y a des bâtiments des deux côtés. C'est la planète Terre. Il a hérité des mains du Nazaréen. Alors que Pierre, lui, a hérité du camouflage. Bon. Alors, Lazare, ce qu'il fait, il hérite du village, alors il doit s'arranger pour contrôler l'humain. Et l'humain, pour évoluer, doit se créer un corps astral. Il doit donc s'astraliser, c'est-à-dire qu'il doit se créer un corps émotif extrêmement puissant. Un corps émotif qui sera capable d'avoir beaucoup de désirs. Et pourquoi? Parce que les désirs font en sorte de mener l'être humain souvent à des désillusions. Donc, l'humain va épuiser plus rapidement l'espoir qu'il place dans la matière ou qu'il place dans les plans spirituels. Et en plus, le fait d'avoir des désirs qui sont souvent désillusionnés, ça amène à développer le mental, l'intellect. Ça amène à développer une rationalisation pour parvenir mathématiquement à accomplir son désir. Ça développe le mental. Et le mental, c'est la seule chose qui peut entrer en contact avec ce que le Nazaréen appelait l'esprit saint, l'esprit pur non coloré par l'âme de l'homme, par l'énergie supramentale. Alors, notre Lazare, ce qu'il dit, je vais bâtir d'un côté de la rue, je vais bâtir un cinéma, je vais bâtir des écoles, je vais bâtir des centres sportifs, je vais bâtir des centres de méditation. Et de l'autre côté de la rue, je vais bâtir des tavernes, je vais bâtir des centres de drogue, je vais bâtir des cinémas où on projette des films de guerre, de violence, je vais bâtir des choses comme ça. Alors, ce qu'il fait, c'est que donc, dans sa ville, il y a d'un côté des choses qui sont positives, de l'autre côté des choses qui sont plutôt dégradantes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dirige la publicité. Alors, de temps en temps, lorsque l'humain est extrêmement heureux et l'humain est totalement à droite, c'est-à-dire que l'humain, disons, est dans le côté où il s'instruise, il se met en forme, à un moment donné, il commence à passer de la publicité pour que les gens commencent à aller fouiller l'autre côté. Alors, donc, après une vague, la société commence à virer de cap et on commence à jouer dans la drogue, à jouer dans l'alcool, à jouer sexuellement, à faire de la violence. Il y a un cimetière de ce côté-là. On s'amuse de ce côté-là. Après un laps de temps, quand l'humain est suffisamment gavé, donc l'humain a astralisé une autre partie du monde de la mort, eh bien, on remet de la publicité différente. Et là, l'humain change encore de cap. Ça prend un temps de transition, mais l'humain change encore de cap. Et Lazare, qui contrôle le bien et le mal, nécessairement contrôle donc tout. Alors que bien souvent, on pense qu'il y a une guerre entre des maîtres qui veulent sauver l'humanité et des entités qui, elles, veulent tout faire pour évoluer l'humanité. Et ce n'est pas le cas. L'être humain lui-même est conçu de deux mécaniques psychologiques importantes. L'une d'elles est une mécanique qui, ésotériquement, porte le nom de sataniennes. C'est une mécanique qui fait que l'humain va aimer la chair, la sexualité. C'est, l'humain va aimer la matière, il va aimer la richesse, il va aimer, ça c'est des parties sataniennes, arimaniennes. L'humain va aimer tout ce qui est matériel, une belle voiture, un cheval, bon. C'est ça, Ahriman, lui, là-dedans, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est ça, c'est un maître, mais souvent, comme d'ailleurs va l'être la mécanique satanienne ou luciférienne. Mais normalement, ils ne sont pas considérés parmi les maîtres. Pourquoi? Parce qu'on pense toujours que le maître est celui qui nous fait monter. Et ils luttent contre des forces qui nous font descendre. Mais si c'est des maîtres qui n'arrivent pas à planter eux autres, c'est des maîtres eux autres aussi. Est-ce qu'il a une entité corporelle ou... Ahriman, non, il en a eu une, mais depuis Steiner, il ne l'a plus. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une partie chez nous, comme ça, sataniennes, qui nous oblige à rester très, très, très terre-à-terre, terrestrifiés. Il y a une autre partie qui, elle, s'appelle luciférienne, qui, elle, nous oblige à vouloir quitter la Terre. Et la partie luciférienne, c'est celle qui va nous rappeler régulièrement qu'on n'est pas que de la chair, qu'on n'est pas que de la matière. C'est la partie qui va vouloir nous forcer à évoluer, à rentrer dans une religion, à venir à une conférence, à chercher de l'information ésotérique, à lire des choses, à faire de la poésie positive. C'est quelque chose qui va nous faire regarder le ciel pour voir les extraterrestres, ou pour voir Dieu, ou qui va nous faire attendre le grand monarque. Alors que la partie satanienne, elle, va de temps en temps nous faire dire, écoute, ben, ça fait 3 mois que t'attends sur ton toit avec tes bananes, qu'une succombolante vienne, ben, ça attend que tu manges tes bananes, tu descends de voir un film. Alors, la partie satanienne. Pourquoi? Parce que l'humain est de l'énergie. Et historiquement, on parle de chute de l'homme. Il n'y a jamais eu de chute de l'homme. Mais pour que l'humain accepte que l'esprit accepte la condition terrestrifiée, planétaire, on l'a investi évidemment de l'illusion du libre-arbitre et ces choses-là. Et par la suite, on s'est arrangé pour que l'humain accepte d'aimer le plan planétaire, ce qui fait que dans sa conscience archétypée, dans sa psychologie d'instinct, il aime la matière, il aime la Terre et il aura donc peur de la mort. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a, mais en plus, il perd tout ce qu'il a dans le niveau de la matière. Mais en même temps, pour que l'esprit, pour que l'humain ne reste pas uniquement un être de matière, et c'est un très grand danger quand on s'approche d'une planète, on a investi sa conscience psychologique, son âme, de mécanique luciférienne. Et celles-ci veulent s'en aller. Alors, dans l'histoire biblique, par exemple, on va parler de Lucifer et de Satan qui viennent et qui vont ramasser l'humain. On va dire que Lucifer s'est pris pour Dieu. Dans certains contextes ésotériques, on va dire que Lucifer a voulu aider l'homme, faire mieux que Dieu, pour que l'homme s'en sorte au plus vite. Mais pourquoi s'en sortir au plus vite? Ben, c'est ce que l'humain veut faire. Il garde l'idée d'évolution. Mais en même temps, l'humain a un rôle à faire sur le plan planétaire. On va revenir la semaine prochaine dessus. Mais ce rôle-là, il doit l'accomplir dans de la matière, tout en se rappelant, donc en ayant une antenne braquée vers des énergies qui le remplissent, qui sont d'ailleurs lui-même. Et il doit avoir aussi un phénomène de matière. Donc, la partie psychologique sataniennes le conserve sur le plan planétaire. Les maîtres du monde vont jouer dans les deux côtés. Est-ce que Lucifer fait partie des maîtres du monde? Lucifer fait partie de... Non, Lucifer aujourd'hui n'existe plus. Il est absorbé par l'humanité. C'était un des maîtres du monde à l'époque des mécaniques géoviques, etc. Mais Lucifer, aujourd'hui, n'existe plus en tant qu'entité. Ce n'est pas un maître du monde. Il est dans l'humanité. Est-ce que l'énergie supramentale peut être considérée comme un maître du monde? Non. L'énergie supramentale ou l'énergie christique, c'est la même chose. Lorsque on parle du retour du Christ ou du grand monarque, lorsque l'énergie supramentale sera exprimée à travers la majorité des êtres humains, parce que le retour du Christ, ce n'est pas un être humain qui vient se pointer, c'est la conscience christique qui va habiter les êtres humains. On parle d'intelligence capable d'amour, de gratuité, donc d'amour intelligent. Lorsque la conscience christique va être répandue sur suffisamment d'individus à l'échelle de la planète, on pourra parler que maintenant, il y a un nouveau maître du monde qui sera l'intelligence qui a du cœur, ou encore l'amour intelligent, mais en réalité, c'est l'intelligence qui a du cœur. Et là, on parlera de nouveaux maîtres du monde, sauf que quand cela va être instauré, les maîtres du monde actuels vont devoir s'en aller. Et la majorité ne veulent pas s'en aller. Alors, il y a des maîtres du monde qui travaillent uniquement à partir des mécaniques sataniennes, et il y a des maîtres du monde qui travaillent uniquement à partir des mécaniques lucifériennes. Les mécaniques lucifériennes sont les mécaniques spirituelles d'évolution. Donc, chaque fois qu'on a affaire à un maître du monde, soit un maître évêque, un maître rosicrucien, franc-maçonnique, etc., qui nous parle d'évolution, c'est une mécanique luciférienne. Lucifer veut dire porteur de lumière. C'est évident que du point de vue biblique, on a fini par cracher dessus parce que, bon, il a désobéi à Dieu, etc., etc., etc. Alors que Dieu va juste le créer un peu plus parfait, puis il n'aurait pas désobéi. Il y a un roman science-fiction là, qui est un best-seller actuellement, La Cité de Seth. On parle d'intraterrestres. Ces intraterrestres-là, est-ce qu'ils sont manipulés aussi par les maîtres du monde ou font-ils partie des maîtres du monde? Bon, la question est assez d'envergure. Effectivement, il y a des intraterrestres il y a deux sortes d'intraterrestres qui manipulent les gouvernements par en dessous. Il y a, par exemple, des régions planétaires intéressantes. Les intraterrestres sont un peuple qui est arrivé un peu en même temps que l'humain vivait sa partie lémurienne. Donc, ça fait quelques années. Et le peuple intraterrestre, c'est un peuple qui a une génétique extrêmement faible, extrêmement fragile. Il est donc sous Terre, là où la Terre est plus chaude. Et plus une planète se refroidit, plus la génétique a tendance à évoluer. Et présentement, leur travail, depuis même des milliers d'années, est d'essayer de voler la génétique des animaux de surface de façon à se mêler à elles pour être capable de grimper à la surface sans perdre leurs caractéristiques. Et présentement, ils travaillent énormément à voler la génétique humaine. Ils se sont essayés pendant les années 50 avec des animaux proches de l'homme. Avant, c'était avec des animaux sauvages. Maintenant, c'est avec l'humain. Alors, on a des régions, des endroits extrêmement dangereux sur la planète, comme Disney World, que certains connaissent, où il y a régulièrement des manèges où on ne laisse entrer que les enfants et les enfants n'en sortent jamais. Et quand on fait venir la police ont déjà démonté complètement les jeux, ils n'ont jamais rien trouvé, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils démolissent même plus, ça finit là. Et il y a effectivement, de temps en temps, comme ça, il y a des femmes aussi, des jeunes femmes qui vont être enlevées, et normalement, des femmes et des enfants. Il y a ces personnages-là travaillent surtout avec les sociétés policières, donc avec la CIA, le KGB, ces choses-là, FBI. Donc ils travaillent avec les gouvernements secrets. Ils travaillent avec les gouvernements secrets et ils manipulent énormément. Sauf que ce qu'eux ne savent pas, encore une fois, c'est qu'ils sont manipulés non pas par des maîtres du monde, mais par ce que l'on peut appeler des maîtres qui se réfèrent à la galaxie. Alors, on s'échappe un peu du contexte du phénomène des maîtres du monde. Mais les intraterrestres, sont deux peuples qui, présentement, l'un domine l'autre, l'autre est quasiment son esclave, et qui auront un rôle extraordinaire à jouer dans l'épanouissement ou l'émancipation de la nouvelle, de la prochaine race mère qui est en train de naître dans ce côté nord-américain. Mais ce ne sont pas des maîtres du monde. Même si ils sont en cheville avec eux. C'est-à-dire que... plus ou moins en cheville avec les maîtres du monde pour manipuler l'humain. Ils ne connaissent pas les maîtres du monde, mais ils font exactement les plans des maîtres du monde. Donc, quand on parle de maîtres du monde, on parle, premièrement, il y a des régions, des focalisations de régions. Il y a le Tibet qui a toujours été l'une des grandes places ésotériques où on a considéré que les maîtres du monde se retrouvaient. On a le Népal, évidemment, où les maîtres du monde peuvent se promener. Il y a certaines personnes ont peut-être déjà lu un livre qui s'appelait « Les grands maîtres » ou « Les maîtres », je ne sais pas trop quoi, le livre de la vie des maîtres. La vie des maîtres. Voilà, que tu as déjà lu. Oui. Ça me semblait bien, oui. Érudit comme tu es. Alors, le personnage invente une grande partie de l'histoire, mais il romancie à partir de ce qu'il entend parler. Bon. Et il y a ces maîtres vivent, donc, encore une fois, on parle de l'Inde, on parle du Népal, on parlera de l'Himalaya. On a eu une émission, à un moment donné, qui s'appelait Les Champions, que ça, peut-être quelqu'un peut-être a déjà vu un peu ici. L'histoire, c'est quoi? C'est justement trois personnages des agents secrets qui s'écrasent au Tibet et qui se font ramasser par des personnages qui vont leur donner des pouvoirs extraordinaires. Alors, il y a eu, pendant longtemps, des émissions à caractère ésotérique, peut-être tirées de l'Obsam Rampa, remarque bien, mais n'empêche. Même quand on rampe, on finit par attirer des choses qui communiquent de l'information intéressante. Et lorsque on considère uniquement le sommet du monde, l'Himalaya, comme région où les maîtres du monde vivent, avec Lhasa comme capitale, entre autres, on évite et on oublie rapidement d'autres régions sources. Alors, il y a une région, entre autres, en Angleterre, qui est extraordinairement puissante, une île proche de Londres. Il y a une région en France aussi qui est extrêmement rattachée par des couloirs énergétiques et même des couloirs matériels à Shambhala, entre autres. Quelle région? Tu vas aller fouiller immédiatement, donc je préfère... Il y a des régions au Québec, il y a le Pôle Nord, entre autres, où on a toujours parlé du Père Noël. Bien que c'est la compagnie Coca-Cola qui a inventé le Père Noël et qui l'a habillé à ses couleurs, le blanc et le rouge et le noir, et le Coke, ça se boit froid, donc il fallait que le Père Noël soit quelque part au nord. Malgré cela, le Père Noël, c'est comme Santa Claus. Le Père Noël, c'est un personnage qui amène le bien, qui part du pôle nord et qui descend partout sur la planète pour répandre des bonnes choses. Quand on regarde l'invention américaine de Superman, son siège social est encore au pôle Nord. Et c'est de là, encore une fois, que le super Dieu, le Dieu américain, va venir aider l'humanité. Il y a effectivement une porte majeure au pôle Nord et il y a quelques ramifications au Québec. Les Allemands, Thule aussi, c'est un... Thule, c'est... Thule... C'est très, très, très allemand. Très allemand, oui. Ils cherchaient justement cette ville en Arctique. Bon, premièrement, Thule existe aujourd'hui comme ville. Oui, c'est une base aérienne militaire américaine. Mm-hmm. Et effectivement, Thule fait partie de l'Hyperborée. Les Allemands sont venus jusqu'au Québec, d'ailleurs, et ils voulaient conquérir, ils voulaient retrouver l'Hyperborée, trouver Thule, puis trouver l'une des portes de la Gartha. Pour quelles raisons, vis-à-vis de ces portes, on trouve des yétis, des sashquan? Quelle est la relation entre ces animaux et les portes? Bon, ésotériquement, les portes, les maîtres du monde ont créé des animaux pour garder leurs portes. Alors, il y a, dans l'Amazonie, par exemple, il y a aussi une ramification. Quand on parle de Migou, on parle donc du yéti, l'abominable homme des neiges, gardien des portes dans l'Himalaya. On parlera du Sasquatch, gardien des portes ici. On parlera de plusieurs formes d'animaux du même genre qui seront retrouvés un peu aux États-Unis, dans le Montana et ces choses-là. Et on parlera nécessairement dans certains livres, des romans, où on a des explorateurs qui ont été en Amazonie puis qui se sont fait ramasser par des géants. Des géants qui ressemblent à des cyclopes souvent. Il y a des pyramides où ils se trouvent, des choses comme ça. Et il y a de l'or. On parle tout souvent d'Eldorado. Pour la simple raison qu'à l'époque atlantéenne, il y a des divisions au niveau des races humaines et il y a des peuples atlantéens qui n'ont pas su évoluer convenablement et qui sont restés totalement animalisés. Et on a les maîtres du monde, souvent, se sont servis de l'humain et ils se sont servis de ces êtres-là, surtout pour conserver en terreur, pour empêcher le passage des individus vers les portes qui sont matérielles. Maintenant, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est évident que ces êtres-là ne sont plus nécessairement des êtres qui vont empêcher l'homme, la race d'aujourd'hui de pénétrer ces couloirs. Ces couloirs ont, pour la majorité, été détruits. Détruits par les maîtres du monde, ou enfin par des personnages qui travaillent pour eux. Et certains couloirs sont encore opérationnels, mais la majorité de ces couloirs aujourd'hui sont habités. Donc, ils sont protégés par soit des mécaniques intraterrestres, soit par des organisations secrètes qui, le Ku Klux Klan, entre autres, en bloque une aux États-Unis. Il y a des sociétés secrètes comme ça qui, à un moment donné, vont se missionner et vont devenir assez drastiques en ce qui concerne la protection de leurs secrets. En France, il y avait la région, il y a eu le monstre du Gévaudan qui était un loup-garou. Est-ce que ce monstre-là aurait été une construction des extraterrestres? Ah oui, mais ce n'était pas un gardien comme les... Il faut comprendre, c'est que les extraterrestres, on joue beaucoup avec les animaux. Okay. Alors, ils ont créé les gargouilles, ils ont créé la majorité de ce qu'on appelle loup-garou. Et lorsqu'ils ont travaillé avec l'humain au départ, ils ont créé des monstres de ce genre. Et aujourd'hui, on a de moins en moins de ce genre de monstres, on a d'autres personnages. Mm-hmm. Quand on parle des maîtres du monde, il y a un phénomène aussi intéressant qu'on peut amener, c'est les hommes en noir, que tu connais peut-être un peu. Sous la Révolution, on en parlait. Déjà, mais ils existent encore aujourd'hui. La majorité vivent en Union soviétique, dans les pays qu'on appelait Transylvanie avant. Et les hommes en noir, il y en a encore un peu partout sur le plan planétaire. Qu'est-ce qu'on disait à l'époque de la Révolution? Ben, c'est eux qui poussaient à la Révolution, qui travaillaient. Ils venaient d'où? Ça, je ne sais pas. Ah bon? Ils ne savaient pas non plus. Alors, encore? Non, les gens ne savaient pas, connaissaient ces personnes, mais ils ne savaient pas d'où ils venaient. La majorité des hommes en noir sont des personnages qui sont des mixages, des mélanges entre les mécaniques extraterrestres et humaines. Et ils ont normalement des relations avec des loges franc-maçonniques. Et ils sont manipulés par Lazare, ils sont manipulés donc par l'une des parties des deux grandes sociétés des maîtres du monde, Agartha ou Shambhala. Ils sont manipulés par les maîtres du monde. Quand on voit l'évolution ésotérique aujourd'hui des mécaniques, dernièrement, on faisait juste s'amuser, par exemple, à parler de relations ésotériques avec ce qui se passe au Québec, ce qui se passe un peu dans le monde. Il y a eu un personnage à un moment donné qui se rend compte qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Adolf Hitler qui sort de prison. Et ce sont des hommes en noir qui ont été cherchés pour le sortir de prison. Et on va lui donner un héritage, c'est-à-dire qu'il y a une de ses tantes qui ne connaît à peu près pas, qui va lui léguer des choses. Et progressivement, on va l'amener à être en furie, non, à devenir le Führer, C'est une nuance. D'accord. Alors, on l'amène progressivement à être le chef d'un peuple qui ne demande finalement énergétiquement qu'à s'émanciper. Ils sont émancipés royalement. Et c'est, si on parle, on regarde Adolf Hitler, on regarde ésotériquement ce qui peut se passer, les signes des temps. Alors, il y avait Rudolf Steiner, il y avait Albert Einstein, il y avait plusieurs autres personnages l'année dernière, mais surtout Rudolf Steiner qui était un ésotériste. Et d'autres personnages aussi ont vu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu à un moment donné que Adolf Hitler avait comme une seule idée, c'était de gagner l'Autriche, conquérir l'Autriche. Et en Autriche, il y avait tout proche de l'Allemagne une lance, la lance de Longinus, celle qui avait servi aux soldats romains Longinus à percer le corps nazaréen sur la croix. Et cela fait donc partie des mystères du Graal. Et un peu avant, les Allemands avaient ramené avec Wagner toute la légende de Percival, qui est la légende de la quête du Graal avec Percival et avec Merlin et les autres. Alors, les personnes ont analysé simplement les mécaniques ésotériques pour se rendre compte que quelque chose n'allait pas. À un moment donné, lorsqu'ils ont sorti la croix gammée, c'est la Svastika à l'envers. La Svastika, c'est le symbole des maîtres du monde, mais qu'on retrouve surtout dans l'Himalaya. C'est un symbole tibétain. Alors, ésotériquement, on a toujours l'idée que le chiffre 3, c'est représenté par un triangle. Le triangle, c'est le symbole du feu. Le feu, ça monte en triangle et le feu éclairait à l'époque. Alors, c'était le symbole de la lumière, symbole de l'intelligence, symbole de l'idée. Et on avait toujours compris que la matière était symbolisée par le chiffre 4. Pourquoi? Parce qu'on disait qu'à l'époque, aujourd'hui et même dans le temps, que la matière était constituée de quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, 4. Et progressivement, on s'est rendu compte que si on prenait l'intelligence et qu'on la mettait en forme, on prenait le 3 et qu'on le faisait devenir 4, donc l'intelligence qui prenait forme, ça donnait 3 plus 4, 7, c'était la création. Et le chiffre 7 a donc été symbole de la création, mais bibliquement, mais comme ésotériquement partout aussi. Alors, on avait à l'époque la Svastika, qui est le chiffre 7 répété 4 fois, donc création par les 4 éléments. Adolf Hitler s'empare de la Svastika, la vire à l'envers. Et tous les ésotéristes ont vu immédiatement dans ce symbole destruction par les 4 éléments. Et la puissance du symbole, la puissance de toute la mécanique a fait en sorte que beaucoup d'ésotéristes ont décidé de fuir. Ils ont quitté. Et les gens, ces personnes qui savaient, des initiables, savaient donc qu'on s'en allait vers quelque chose typique d'une manipulation des maîtres du monde, vers une guerre, vers en tout cas quelque chose qui n'était pas extraordinairement bien, surtout que c'était manipulé par la mécanique satanienne. Et en même temps, c'était un mélange de politique et de religion, et ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, la politique et la religion mêlées ensemble, ça permet tout à l'humain. Ce que la religion ne permet pas, la politique l'autorisera, et vice-versa. Alors, étant donné qu'Adolf Hitler voulait ramener la race aryenne à la surface, la race des blonds aux yeux bleus, etc., c'était une guerre sainte. Aujourd'hui, on a, en visualisation ésotérique, on a le Québec. Le Québec, ça s'appelait à l'époque K-E-B-E-K. Ça s'écrit dans les deux côtés. Et c'est l'Europe parlait du Québec, c'était la terre promise. C'était là où, pour la première fois sur le contexte planétaire, la race humaine était née. Et les maîtres du monde devaient donc nécessairement avoir énormément d'entrées au Québec, mais on ne connaissait pas le Québec. Des années par la suite, on va découvrir le Canada, et on va progressivement instaurer des provinces. Il y aura des conflits entre la race teutonique anglo-saxonne et la race celtique. Et progressivement, il y aura donc, les Anglais vont gagner, et on va libérer une partie de tout le territoire anglais, qui est le Canada et les États-Unis, au peuple français qui sera là, et eux vont baptiser ce territoire-là Québec par la suite. Ils vont l'écrire K-E-B-E-C, Q-U-E-B-E-C, pourquoi? Parce que, bon, c'est Québec, c'est la prononciation. Ésotériquement, le terme reste K-E-B-E-K. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que le symbole progressif du Québec va devenir Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, qui est un juif, va être symbolisé au Québec par un Aryen, un enfant blond aux yeux bleus, alors que les juifs ne sont pas blonds et n'ont pas les yeux bleus. Et on va étudier progressivement toute la mécanique pour découvrir que le Québec, entouré d'anglais, n'a jamais été anglicisé, que le Québec n'a jamais finalement perdu ce qu'il était. Mais qu'est-ce qu'il était? Ben rien, on n'a jamais su. Il ne peut pas perdre grand-chose. Bon, mais il y avait une individualité, il y a des choses particulières au Québec qui font que le peuple ne se tient pas et on n'arrive pas à le coloniser. Bon. Et que progressivement, en plus, il se lance en affaires, il se développe. Et là, à un moment donné, le Québec voudra se séparer, ce sera non. Il y a plusieurs choses qui vont se passer, jusqu'à l'accord du Lac-Miche, qui va être refusé la journée même, la veille de la Saint-Jean-Baptiste, qui est depuis un bout de temps la fête nationale des Québécois, la fête de l'indépendance. et c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui s'en occupe. Jean le Baptiste a toujours été celui qui a préparé les terrains, donc celui qui amène de l'information pour avertir de la venue du Christ, de la venue de l'intelligence supramentale, de l'intelligence christique. Beaucoup de personnes ont peur du peuple québécois parce qu'ils disent que c'est la future Allemagne. Et le Québec, effectivement, si on regarde historiquement, il a tout pour devenir une future Allemagne. Il a des êtres intelligents, il a des êtres conscientisables, il a des êtres écologiques, il y a des êtres, etc. Si on regarde sur la planète Terre, par exemple, lorsqu'il y a des réunions pour parler des problèmes de pollution planétaire, ça se fait à Montréal. Et on a des conventions maintenant qui portent le nom de la Convention de Montréal et qui va se replacer chaque année. C'est à Montréal que ça va se faire. Plusieurs choses comme ça. Alors, ésotériquement parlant, il y a des choses qui vont se passer et nécessairement, il y aura un atterrissage progressif de mécanique des maîtres du monde de plus en plus puissante au Québec. Les maîtres du monde, ils ont un intérêt marqué à ce que le peuple ou les peuples qui ont la possibilité génétique, biologique, endocrinienne, neuronique et énergétique d'aller chercher de la conscience neuve, les maîtres du monde ont un intérêt marqué à faire en sorte que ces peuples-là ne leur échappent pas. Alors, de ce fait, nécessairement, de quelle façon on s'arrange pour qu'un peuple n'échappe pas, c'est qu'on va aider le peuple. Et quand on aura suffisamment aidé le peuple, on pourra être reconnu comme étant l'aide, l'allié ou le sauveur du peuple. Et par la suite, c'est extrêmement facile de mettre des freins au peuple, et le peuple normalement suit. Et on va voir dans l'histoire du Québec qui va venir qu'il y aura de plus en plus ce genre de phénomène où des personnes vont être amenées subitement, comme sur un ascenseur, à prendre des postes importants un peu partout dans le monde. Un maître du monde ou les maîtres du monde, il y en a plusieurs. Il y a donc le maître du monde qui est Lazare, le seul qui a accepté l'initiation de la descente aux enfers que le Nazaréen lui avait proposé. Il y a d'autres maîtres qui sont des maîtres assujettis. Et il y a un maître qui est en train de se créer totalement, qui s'appelle Maitreya, qui est en Angleterre présentement, qui lui va faire partie des mécaniques manipulables. Ce maître est celui qui ramasse tout ce qui dans l'astral a été abandonné par les maîtres subséquents. On a parlé un peu de la semaine dernière des grands initiés, ils ont laissé des traces. Ce personnage va venir, il est déjà un peu là. Vous vous rappelez peut-être un jour dans la presse, dans le Journal de Montréal, dans presque tous les grands journaux, on avait une page complète qui avait été acheté par un organisme, et on annonçait la venue du Christ, on parlait de Maitreya, qui était la réincarnation de Jésus-Christ, de Bouddha, de Mahomet, etc. Il y en avait plusieurs, et on donnait une date. Et on sait qu'aux États-Unis, les grands journaux avaient été achetés aussi une page complète. On sait qu'en Europe, ça avait été fait aussi. Ça prend des millions de dollars pour acheter une page de publicité comme ça, complète. Alors, ils avaient acheté une page complète de la presse. On l'ouvrait, là, c'est la page au complet. Et il y avait une date. Bon, à cette date-là, personne ne sait ce qui s'est passé, mais il ne s'est rien passé. Bon. Mais on parle encore de Maitreya. Il y a des cassettes qui se promènent encore un peu aujourd'hui avec des livres qui comptent un peu les messages de Maitreya. Maitreya est un des maîtres du monde en croissance, en formation. Il est en train de résorber les mécaniques du Dalai Lama. Donc, le Dalai Lama va finir par s'estomper. Il va ramasser les mécaniques des papautés qui, eux, vont lentement s'estomper aussi. Il va ramasser différents phénomènes et, comme j'expliquais, pourquoi il peut devenir un grand maître du monde, c'est parce que réincarnant des mémoires mahométans, il sera capable de parler à l'islam. Ramassant des mémoires de Jésus-Christ, il pourra parler aux chrétiens. Et ramassant des mémoires des bouddhas, il pourra parler nécessairement à ces peuples-là. Et ramassant des mémoires d'un peu partout, il aura la capacité d'être en harmonie vibratoire avec ce monde. Sauf que Maitreya, comme grand maître du monde, c'est d'ailleurs l'un des plus puissants qui va naître prochainement, mais qui est évidemment déjà en formation. Il n'est pas encore exprimé, il est vivant, dans un corps de chair. Ce maître du monde-là, que certains commencent déjà à vouloir contacter, il y aura des résultats, évidemment. Il a une seule fonction, justement, c'est de s'arranger pour bloquer l'épanouissement complet de la planète, de façon à ce que cela puisse servir Shambhala. Alors qu'il y aura des individus qui, eux, vont progressivement devenir une forme de guérillera contre les maîtres du monde, des « warriors ». Ils ne seront pas... quand on parle de guerriers supramentaux, quand on parle de chevalerie planétaire ou qu'on parle d'aristocratie planétaire, il y a quelque chose qui... Les chevaucheurs de lumière, ce que ça a tué là? C'est le résultat après, en termes de termes ésotériques. Mais quand on, donc on parle de mécanique, il y a nécessairement des humains. La majorité des humains vont finir par s'accrocher à cette idée des maîtres du monde. Alors qu'en réalité, l'humain ne doit faire partie d'aucune secte, il ne doit faire partie d'aucun groupement. Il peut s'instruire à un groupement, il peut même s'instruire à une secte. Vous allez faire un tour chez les Krishna, puis il y a énormément de choses qu'ils vont dire qui n'ont rien à faire avec. Il y a d'autres choses qui vont vous dire qu'ils ont raison, maudit. Alors, on ne peut pas bannir. Oui, mais tu as vu le couette? Non, quand ils disent que ce que tu manges est mauvais, ils ont peut-être raison. Bon, le reste, on s'en balance. Alors, il faut faire attention avec... Donc, on va chercher... Il faut que nous, on ait la conscience capable d'aller trier. Et non pas avoir une inconscience capable uniquement d'avoir peur sans arrêt. « Ah, oh, moi, je ne vais pas là-dedans, il t'enguirlande sans que tu t'en rendes compte. » Vas-y donc, toi, tu ne seras pas enguirlandé. Tu sors de là, tu te dis « Oui, mais tu vois, là, je suis tout mélangé. » Tu n'es pas mélangé. Il y a des choses qu'ils ont dit où ils ont raison, puis tu es d'accord avec eux. Mais là, pourquoi tu dis que tu es mélangé? C'est que tu penses que parce qu'ils ont raison là, ils devraient avoir raison sur toute la ligne. Puis là, tu as peur de toute la ligne parce que fondamentalement, tu n'es pas sûr qu'ils ont raison là. Mais ils n'ont pas raison là. Et puis peut-être qu'ils auront raison demain matin. L'important, c'est qu'ils présentement, pour toi, ils n'ont pas raison. Alors, l'être humain ne doit faire partie d'aucune secte, mais ça ne l'empêchera pas de lire la Bible. Peut-être des choses intéressantes à ramasser là-dedans. Ça ne l'empêchera pas de lire les prophéties de Michel de Nostradamus. Il y a des choses intéressantes peut-être qu'il peut retrouver là-dedans, peut-être pas. Il peut lire la Bhagavad Gita, il peut lire le Talmud, il peut lire la Torah, il peut lire le Bardo Todal, il peut lire n'importe quoi. Il va ramasser ce qu'il a besoin. Et ça, c'est l'être qui a tendance à s'individualiser dans l'évolution et lui échappera progressivement à l'étreinte des maîtres du monde. Mais là, nécessairement, les maîtres du monde, est-ce qu'ils vont se laisser faire? Tant que l'humain n'a pas suffisamment de puissance dans le monde de la mort, il n'y a pas de problème. Tant que l'humain ne parvient pas à une conscience réellement christifiée, une conscience supramentale, où il a accès de l'intelligence instantanée, ça ne dérangera pas trop les maîtres du monde. Mais à l'instant où l'humain aura accès de l'intelligence instantanée, les maîtres du monde vont tout faire pour l'empêcher de continuer. Il y a un problème. C'est que l'humain qui aura l'accès à l'intelligence instantanée saura instantanément quoi faire continuellement pour échapper aux maîtres du monde. Alors, l'humain, astralement, égoïquement, souvent, il a peur d'avancer plus vite. Parce que, rendu à un certain moment donné, on va vous taper sur les doigts si vous évoluez trop rapidement. Et c'est ce qui, archétypalement, va rester avec la vision de Satan, de Lucifer, d'Ève et d'Adam, avec le fait qu'à un moment donné, ils vont avoir une vision un peu comme celle de Dieu. Alors, ils ont évolué et là, on le tape dessus. Et maintenant, Dieu veut continuer à sauver des âmes. Donc, maintenant qu'ils ont évolué, Dieu semble vouloir continuer ce qui évolue, mais à un rythme très prescrit par la loi. Là, tu as parlé à un moment donné, on aura à faire un choix. Nous allons évoluer, nous allons nous diriger soit vers le bien ou vers le mal. Non. C'est-à-dire l'évolution va se faire facilement ou très difficilement. C'est pas la même chose. OK. Est-ce que, qui est-ce qui va déterminer la fourche que nous allons prendre? Présentement, l'humanité est dans l'adolescence de sa vie. Nous approchons de la sixième journée de la création biblique. La septième journée, c'est le repos. C'est le millénium. On y arrive presque. La cinquième journée, c'est à l'époque atlantéenne. Nous sommes très près. Sauf que, quand je parle du choix de l'homme nouveau. Le choix de la femme nouvelle, le choix de l'enfant nouveau, l'enfant aura à faire un choix aussi. C'est, j'en expliquais un peu dans une des conférences, qu'il y avait, on fait partie de la race teutonne anglo-saxonne, donc de la cinquième sous-race de la race mère blanche. Qu'il y a des individus en train qui sont présentement de la sixième sous-race de la race mère blanche, ce sont les individus capables de conscientiser des choses neuves. Pas les individus qui ont peur des choses neuves. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on conscientise des choses neuves qu'on a raison. Ça veut dire qu'on avance, on conscientise des choses neuves. C'est comme la Terre est plate, à un moment donné, on pense qu'elle est carrée, cubique. On a peut-être tort, mais on a plus raison que ceux qui disent qu'elle est plate. Mm-hmm. Bon, elle est cubique. Et à un moment donné, on dira qu'elle est peut-être polygonale. Bon, plusieurs côtés. On est encore plus près. Puis un jour, on dira qu'elle est ronde. On est encore plus près. Puis finalement, on dira qu'elle est sphérique. Mais pas d'une sphéricité parfaite. Et on sera encore plus près. Alors, on avance. Le choix de l'homme nouveau, donc, il y a les individus qui sont capables de conscientiser le neuf. La septième sous-race, c'est les individus capables maintenant de prendre leur corps et de bouger. Capables d'appliquer leur conscience. Ils ne réussiront pas tout le temps. Et quand on applique la conscience, progressivement, on rentre dans la sixième race mère. Et là, on échappe totalement aux mécaniques des maîtres du monde, aux mécaniques des évolutions archangéliques, et on fuit. Mais il y a donc une évolution qui est facile, mais l'humain doit faire le choix. Et il y a une évolution extrêmement pénible, qui est l'évolution assujettie aux collectivités. Cela veut dire que vous êtes en train de pouvoir être heureux ou heureuse, Puis à un moment donné, on va vous barrer bien net. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être heureux plus que la majorité des gens. Alors, l'humain reste très plafonné. C'est une évolution très lente, très progressive, une évolution qui moi, ne me plaît pas. Alors, on peut... Notre vie, la vie de l'humanité, c'est un disque. Pas un disque laser, un disque ordinaire. Alors, on a une aiguille, c'est vous. Clac, on vous met dans un sillon. Là, vous devez pour tout chanter la chanson de votre vie pour arriver au centre. Alors qu'on peut simplement aussi passer directement sans chanter et aller là. Mais astralement, on a besoin de la chanson. Alors qu'au niveau de l'évolution, en réalité, on n'en a pas besoin. Il y a une intermission d'une quinzaine de minutes. Les personnes qui ont des questions à poser, vous les posez par écrit. On va répondre à la seconde partie. La conférence est enregistrée sur cassette.